Lebon. Kon. Amon na fi. Wow, ki nak ben élève la won. Mu tuddu Modou Fati. Modou Fati ndaysan élève bu doy war. Légui ndaysan comme ni ko Sénégal lélé ni ko inspecteur défé rek. Lélé ñu ñëw ci école yi rek xol niveau élève yi quoi. Xol ndax maître ñi gorgor lu bu baax di jappalé élève yi di leen jangal comme il faut. Légui ndaysan inspecteur bi comme avertir won na prof bi. Prof bi tamit jël ndaysan ay matu quand même. Xamna ni Modou Fati wax ko ci toto bi. Mu may ko xaliss nako Modou Fati suba demal geej doxontul me bul ñew jaru ngey ñew suba xam nga maître bu dem ba ek ak mom fofu ak élève ragal na mu def jaxu inspecteur bi ñew saay Modou Fati xam ko fek geej ci élève nako yow prof da am lu ñuy sédelé classe bu bañ nga mo wara la demal geej yow li nga dofé Modou Fati dégg lool rek dal di daw jëm ci classe naka la na bëret ex ci classe bi rek prof bi décourage xam ni Modou Fati saay tay mu def jaxu inspecteur bi ñew dal né bon voilà tay dañ fi ñew pour xol niveau élève et tout ba expliquer wax ba paré bon légui nak ma bayilé nak sen maître mu poser len question bu ñu bëgg poser tay pour ñu lat sen niveau fofu dal né bon voilà question biñu len di poser tay motax moy ngeen wax ñu lan moy phare un phare rek tay élève yi jox yëkëti ku ne yëkëti Modou Fati gën ci saway mom gën ci fess di yuxu ma monsieur maître bi ko ignorer rek di xol côté bu Modou Fati yëkëti rek mu xol fa ca def di jëma ignorer Modou Fati rek waye xamu ni gënë ko ci ñu tok ba mu yag rek ndaysan inspecteur dal la ko mais interroger c'est tel il me semble qu'il va répondre à la question prof bi di tankam rek melni ku déggul inspecteur bi bamtu wat rek saway dal di xamni saway jamm jeexna na ki Modou Fati mu na baay ma interroger ko jeb ko gi ne xeyna lima koy wax bon dina xamni mo beug wax dal di ndaysan ne ko Modou Fati boko ñatt yon ndaysan diko bo mi koy bam ndaysan toi qui habite entre Ngor et Yoff toi qui a tant bénéficié de la lumière d'un phare mais Modou Fati qu'est-ce que c'est qu'un phare rek Modou Fati teub rek ubi blog bi rek japp ci phare ne ci fala rek dal nako voici un phare monsieur fala inspecteur bo xame